C'est pas les étrangers, c'est pas les migrants qui sont de trop. C'est Le Pen et ses idées de fachos. Et puis, le monde déteste les fachos.